On fait surtout du pissenlit, là, quand c'est la saison. Bon, alors on le mange en salade ou en gratin. On fait du gratin de pissenlit. Ah oui, et comment vous faites ça? Vous faites Oui, ben le gratin de pissenlit, j'ai une recette qui m'a été communiquée par quelqu'un de la vallée. Ça, je dois avoir le bouquin. Quelqu'un de la vallée, vraiment d'ici, quoi. Oui, oui, oui, c'est celle qui tient le restaurant et qui avait les recettes qui venaient de sa grand-mère et de sa mère. Mm-hmm. Des recettes plutôt de cuisine. Voilà, c'est des recettes de cuisine, je la recherche. La blanquette de veau, recette de pigeon. C'est un travail qu'on avait fait il y a quelque temps. On avait commencé par vouloir rechercher des recettes. Et puis on s'est aperçu que les gens, tout en nous donnant les recettes, nous donnaient beaucoup d'autres choses, nous parlaient de la façon dont ils se nourrissaient. Donc on a dit, ben tiens, on va faire en même temps une petite étude sur la façon de se nourrir. Alors c'est la cuisine de la vallée du Jalbron. D'accord. Il est à Salagon. Hein. Mmh. Alors le gratin de pissenlit, faire blanchir les pissenlits, les égoutter, les hacher avec de l'ail et du persil, mettre à la poêle avec un peu d'huile, du sel, du poivre, faire revenir jusqu'à rissolement de l'ail. Ajouter une cuillère de farine, mouiller avec du lait, ajouter 2 œufs battus en omelette. Mettre dans un plat à gratin, saupoudrer de chapelure, mettre au four 20 minutes pour faire du doré. On utilise la même recette pour le gratin de courgettes, de blettes, d'épinards, de courges, de l'orige. D'accord. Donc on peut faire la même chose avec des oranges. Oui. Voilà. Peut-être un peu dommage, ou bien c'est quand elles sont vraiment montées. Je pense, oui. Là, vous faites ça quand c'est... Quand les salades sont un peu grosses. Voilà. Parce que quand elles sont toutes petites, on les mange en salade. Oui, c'est meilleur. Quand elles sont tendres. Ouais. Oui, voilà. Donc, votre père ne le faisait pas, ça, par contre. Non, mon père, c'était... Non. C'était plutôt vraiment la salade. La salade, lui, c'était la salade. Et près de Marseille, il n'y a pas de pissenlit près de Marseille? Si, dans les collines. Oui. Ah oui, il y a des pissenlits, il appelait ça la barbapou, mais je crois que c'est un autre nom. Il y a la barbapou, barbapou. Oui. La roquette aussi, il y avait une qui appelait la roquette, qui était très bonne, moi je l'aimais beaucoup.